Allô, allô! Bienvenue au Lobster 58.0. Cette semaine, ça commence par un bruit. Un tintement. Ça frétille un instant. Et soudainement, ça vous glisse sur le tympan. La chaleur monte. Quand ça redescend, on croit que c'est la fin. Mais ça frétille un instant, un tintement à l'oreille du tympan, et en un instant, c'est reparti pour du bruit. La chaleur monte. Et à ce moment, c'est la fin. Bon, la fin de cette chanson, oui, mais pour notre Lobster, ce n'est qu'un début. Je suis tombé sur ces musiques de synthétiseurs que j'aime bien. L'artiste se nomme Kebo. Des chansons de l'album Perplexagon. Et tout ce que j'avais préparé après le bal. Car ce soir, j'ai pas le goût d'ouvrir mon deuxième ordi pour sortir le texte. Donc, de fil en aiguille, le bruit s'est immiscé dans mes tympans. Comme un tintement, de musique qui m'inspire et me rend heureux. Donc, au diable ce qui était préparé, on démarre la musique. Bon Lobster. Et que la chaleur monte. Oh, le vouloir, j'ai vécu la folie du Black Friday. Je vous raconte. On est rendu le week-end et j'avais décidé d'aller faire une tournée de mes spots à BD. L'autre semaine, je vous avais parlé que j'avais découvert la boîte à BD à Laval, dont je vous ai parlé, où ils vendent des BD québécoises. Donc, cette semaine, j'avais choisi au hasard un autre magasin à Montréal. J'avais pris l'adresse et m'étais mis en route. Il y a environ entre une dizaine ou une quinzaine de boutiques spécialisées dans le genre à Montréal, donc je suis en train d'essayer de toutes les faire l'une après l'autre. Cette fois, j'avais choisi Comic Counter, au 9880 Clarks dans le quartier Hunsick. Donc, avant de me rendre là, je suis allé au marché Opus Saint-Michel. J'ai évidemment trouvé plusieurs BD, une dizaine à prix ridicule. J'ai une madame qui en apporte de nouvelles tout le temps et les vend pour moins de 3$. Et en plus, elle fait du gâteau aux noix ou aux canneberges qu'elle vend. Donc, chaque fois, je lui prends un gros morceau que je déguste ensuite en continuant ma tournée. Bref, je termine au marché Opus, je retrouve mon auto et me rends chez Comic Hunter. Yeah! Yeah, baby! Yeah! Le quartier faisait peur. Un coin abandonné. C'est même pas un coin industriel, c'est juste un coin mort. Donc, je me parque devant un genre de lave-auto à la main qui annonce qu'il pourrait me laver mon auto pour 50$. Bref, c'est le seul commerce sur la rue. Le reste, c'est mort comme dans un cimetière. J'irai pas là la nuit. Je rentre donc dans un gros bâtiment au 9880. C'est un gros édifice vieillot, ça sent le vieux. Une petite pancarte me dit de descendre. Donc, direction le palier du sous-sol où se cachent les vampires. Donc, je marche dans un long corridor, tout est vieux. Bref, mes chances de me faire enlever, attaquer, sont montées à une chance sur trois. L'endroit me fait penser à des coulisses d'un vieux théâtre. Et là, je vois la pancarte de Comic Hunter. Donc, je pousse la porte. Je suis au paradis, dans le jardin d'Éden. Il y a une madame à l'allure sympathique qui me repère immédiatement et se dirige vers moi. Elle m'attrape, me fait une clé de bras, me passe des menottes et me pousse avec ses autres esclaves dans son donjon et commence à abuser de moi. Quelle excellente journée pour un exorcisme. Bon, je fabule un peu, ça c'est dans les BD érotiques que ça se passe comme ça. Non, ici, la madame vient plutôt me voir et me demande si c'est ma première visite chez Comic Hunter. Je lui dis que oui et elle se propose donc de me faire visiter et de m'expliquer comment ça marche ici. L'endroit est immense. Le premier spot, c'est la section où tout est à 1$. C'est rempli de comics ou de diverses choses qui sont à seulement 1$. Mais aujourd'hui, elle m'explique que c'est leur genre de Black Friday. Eux, c'est le week-end noir. Elle me dit que tout est à 50% de rabais. Ouf! Donc, je sens déjà que ça va faire mal au portefeuille, car je viens de spotter plein de BD dans cette section. Il n'y a pas juste des comics de super-héros, il y a de tout. BD, Mickey, vieux journaux. Ensuite, la madame me montre la section de figurines, il y en a des tonnes. Des Casper, le fantôme, à Yogi l'ours, à ce que tu veux, ils l'ont. C'est d'ailleurs un Deadpool grandeur nature qui nous accueille dans cette section. Il y a aussi une section pour les enfants, tu peux lâcher tes enfants là au travers des schtroumpfs et autre chose plus enfants pendant que toi tu magasines. Ensuite, une autre section, elle me montre la section en français. Tout est classé par nom de héros dans des boîtes avec une des BD sur la boîte pour visuellement voir tout de suite ce qu'il y a dedans, c'est malade. Il y a aussi des armoires remplies de BD. Les BD sont à 5$, sauf s'ils ont des étiquettes montrant un autre prix. Mais aujourd'hui, ça revient à 2,50$. Donc, immédiatement, je spot plein de choses. C'est à ce moment que j'ai su que j'allais me ruiner. Donc, la visite se poursuit avec la gentille dame. On arrive dans la section Golden Age des comics, c'est les vieux comics. Ensuite, une autre grosse section de volumes en anglais. C'est toutes les grosses histoires dans des gros formats de BD. Les intégrales de Walking Dead, de Superman, Batman, ce genre de choses. À côté, les nouveautés, une section de un peu plus vieux. Ensuite, et finalement, ça se termine par un genre de gros entrepôt. Donc, si tu cherches de quoi, tu peux le demander. Il doit bien avoir 2 à 3 000 boîtes ou plus là-dedans. La madame me dit qu'ils ne peuvent pas tout mettre sur le plancher, mais dès que quelque chose est vendu, ils le remplacent par de quoi de l'entrepôt. Donc, on dirait que le roulement est incessant. Finalement, on termine notre visite par la section de comics qui coûte plus cher. Ceux-là sont gardés près de la caisse dans des boîtes ou derrière la caisse pour celle où le prix s'envole. Moi, je connais pas grand-chose là-dedans, mais je distingue des action comics qui sont les premières BD à être sorties, donc je comprends que c'est le gros kit ici. En plus, la boutique est remplie de monde et remplie de gens qui travaillent là, donc ça semble rouler. Il y a aussi du monde qui sont là pour vendre leur BD. Bref, je sens que ça va être un plaisir de fouiller. Sur leur carte d'affaires, ils annoncent plus de 500 000 comics en magasin. Et je les crois à ce moment. Donc, la madame me libère et c'est là que ma folie débute. Mais avant de vous raconter tout ça, on écoute une chanson. War is coming swiftly, the border's closing in. We're a company of soldiers, near 40 right or strong. All alone, stand alone. Our dinner comes burning, and rumble is at hand. As the blitzkrieg's pushing harder, the war is all around. All around, hold your ground. Battles, no one's on our side. You will fight for all until the bullets are gone. We will resist and fight, fight hard, 'cause we are all in sight. We take our parts and fight, fight hard, resist and do us right. No matter how fighting, the numbers will still count. We're outgunned and few in numbers. We're doomed to flag and fail. We fought hard, held our guard. But when captured by the excess and forced to tell the truth, we will tell it with a smile. We will surprise them with a laugh. We are Donc, après cette chanson de Sabaton, je me mets à fouiller. Je cherche des Bob et Bobette, des BD que je trouve rarement, mais que j'adore. Paf, j'en trouve deux. À côté, je mets la main sur des BD des années 50 du style Martin le Malin ou Sylvain et Sylvette. Je ramasse les moins chers, car il y a toutes sortes de prix, toutes sortes de BD. Et là, j'arrive dans les héros dont le nom commence par M. Et là, je trouve mon héros d'enfance qui se cache dans le journal de Mickey, qui vont me coûter juste 50 sous. Je ramasse tout. Juste la belle couverture en passant de ces journaux de Mickey gros format des années 60 est magnifique. C'est tout coloré, tout plein de belles couleurs, des beaux dessins. Je pourrais les encadrer et ça ferait super beau. Donc là, je retourne dans la section de BD et c'est l'hécatombe. Je suis pas capable de tout transporter ce que je veux. Je fais des piles et je vais les porter à la madame en avant. J'ai complété d'un coup la collection de Torgal. Les BD sont comme neuves et à seulement 2,50$. Je pense en avoir ramassé 25 que j'avais pas. Je ramasse aussi des rats, hein? Fils des âges farouches, Capitaine Flamme, pif! Et là, je décide de changer de section. Je vais dans la section des BD un peu plus grosses et je commence à virer fou. Il y a plein de BD en format intégral, des grosses BD de 100, 200, 300, 400 pages, mais à un prix que je ne comprends pas. un prix qui est trop bas. Donc, je prends deux intégrales des pieds nickelés. Elles me reviennent à 5$ chacune. Même chose pour les intégrales de Mickey. J'ai jamais les moyens de me les acheter. C'est les anciennes histoires de Mickey à ses débuts. Neuve, ça vaut plus de 50$. Là, je paye 12$ et 20$ respectivement. Et ça sera mes deux achats les plus chers de la boutique, car tout est vraiment à un prix très bas. Ensuite, je retourne à l'avant, je dépose le tout sur mon tas qui commence à être très haut et reviens dans cette section d'intégrales et je tombe sur des intégrales de rang que je ramasse aussi et je me dis à ce moment « Fred, sors de cette boutique au plus vite. Tout a beau être à 50% aujourd'hui, j'ai un méchant tas de BD à payer. » Justement, de retour à la maison, je viens de les compter, mon tas avait 70 BD de haut. Donc, au comptoir, la madame fait le calcul de tout ça. 318$, moins 50%, pas de taxes, leur prix contient déjà les taxes. C'est un peu fou. J'ai déjà hâte d'y retourner, il y a plein de choses, des vieux journaux, encore plein de BD que je veux, plein de choses que j'ai sûrement pas vues. En plus, ils font quelque chose que je trouve un peu génial. Par exemple, si une série de comics comme Conan le Barbare contient 36 numéros, alors eux, ils les trouvent dans leur boîte, font un bundle avec ça et vendent la collection d'un coup pour 50 ou 75$, peu importe le prix. Mais tu peux acheter des collections complètes d'un coup comme ça. Ce qui est une bonne idée à mon avis. Même si c'est pas mon monde, moi c'est plus le monde des BD, je trouve que c'est quand même bien monté de faire des collections de comics comme ça. Tu peux avoir l'histoire d'un coup. Bref, je trouve que c'est une découverte géniale cet endroit-là. Et de le découvrir en plus la journée à 50%, je crois que ça a sûrement aidé à me faire triper encore plus. Donc, si vous êtes dans le coin et aimez ce genre de place, allez-y. Vous pouvez trouver leurs coordonnées sur Internet. La boutique se nomme Comics Hunter. On écoute un petit peu de musique et j'ouvre ensuite mon deuxième ordi pour vous parler de ce que j'avais préparé pour ce Lobster qui sera sûrement plus long cette semaine. Guy Martel et King Tonga que vous voyez dans l'action en ce moment, vous serez menotté à Gino Brito. Vous ne pourrez pas intervenir comme la semaine dernière. La première des choses, Carpentier, pourquoi j'ai intervenu la semaine passée, c'est parce que Martel il a fait quelque chose d'illégal, sauter par-dessus le troisième câble. Puis ça, vous savez que c'est une disqualification quand on fait ça. Alors, c'est pour ça que je l'ai pris par les jambes, puis j'ai ordonné à mon King Tonga, fesse dessus, Tonga, démolis-le si t'es capable. Mais pour lundi, là, m'a dit quelque chose demain soir. Je suis pas impressionné pantoute par être attaché à un poignard de Dino Bravo. Parce que m'a vous dit quelque chose. M'a vous dit quelque chose ici. Mais puis écoutez bien la télévision, là. Bravo! Quand mon Tonga va avoir battu Martel dans le milieu de la reine, bravo! Je vais le traîner à terre autour de la reine. Pareil comme une vieille mob sale. M'a bagué le plancher avec dans le centre pas le sauver. Remarquez bien que Tarzan Tyler, c'est pas un peu heureux. Puis j'ai un homme ici, 350 combats, jamais été battu. Puis c'est pas Martel qui l'a battu la semaine passée. Puis c'est pas Martel qui va te battre demain soir. Mettez-vous ça dans la tête, le monde ici, les Québécois. Parce qu'on est ici pour les détruire, les Québécois. Mon King Tonga, je l'ai lâché là, au travers du Québec. Pour on sent pas le sauver. On oublie pas une affaire, bravo. Je te traîne à terre comme une vieille mop, m'a baillé le plancher. Voici ce que j'avais préparé pour ce Lobster 58.0. Comme j'étais trop paresseux pour ouvrir mon autre ordi, je vous parlais sans mes textes. Mais allons voir ce que j'avais préparé. Bienvenue à votre podcast hebdomadaire du Lobster, enregistré dans les studios de Notre-Dame de l'Île-Perrot. Des studios qui, ma foi, ressemblent grandement à une cuisine. Voici votre dose de divertissement où le plaisir et la bonne humeur sera toujours au rendez-vous. Accueillez avec amour, votre animateur, Freddy Boy. Allô, allô, bienvenue dans ce Lobster 58.0. Bon, on va faire semblant que c'est un deuxième début. J'espère que vous allez bien. Bon, c'est un peu tard pour le demander. Malgré la température qui est assez changeante ces temps-ci, on est passé à un peu de neige sur le terrain, à plus de neige, à y a mouillé, mais il a reneigé un petit peu par-dessus ça, donc on est vraiment dans la période où l'hiver essaie de s'installer et pousse l'automne dans le caniveau. Bon, c'est plus trop pertinent de parler du beau temps rendu à la moitié du Lobster, mais bon. Sinon, je pense que nos cultivateurs ont des bonnes chances de sauver leur récolte. La grève au CN est maintenant réglée et ils devraient recevoir du propane pour sécher leur maïs. Mais bon, pendant plusieurs jours, on a cru que le propane allait manquer et que ça allait être la crise au Québec. Je vous reparle des cultivateurs vendredi passé, ils nous ont fait sourire mon plus vieux garçon et moi. Vendredi, c'était une journée pédagogique à l'école. Je travaillais donc de chez moi et mes garçons prenaient ça relax et s'amusaient. Et mon plus vieux était installé sur la table avec moi et jouait à Civilization 3 sur son ordi. Et à un moment donné, à la radio, on entend une entrevue avec des cultivateurs de Châteauguay qui pestait contre le propane qui allait manquer si la grève se prolongeait. Bref, c'était émotif et à un moment donné, leur représentant reçoit une nouvelle live de ses collègues comme de quoi ils s'en viennent. L'animateur demande où? Ben lui, il répond « On s'en vient à Montréal en tracteur. Drette là, c'est confirmé, on embarque dans nos tracteurs et on s'en vient au centre-ville. » Bon, c'est difficile à bien raconter, mais c'est un beau moment de radio. L'animateur, lui, était content d'avoir un scoop. Les filiales de Québécois sont toujours contentes de flasher leurs exclusivités. Mais bon, le cultivateur, lui, était sur le coup de l'émotion et ne cessait de répéter aux questions de l'animateur. « On s'en vient, oui, c'est confirmé, on s'en vient drette là. » C'était plutôt comique. Il savait pas où il s'en allait, mais c'était confirmé, ils y allaient. Bref, un moment de radio amusant malgré la détresse de ces travailleurs qui ont besoin de leur propane. J'ai retrouvé une émission radio qui nous faisait rire, on en écoute un petit bout. Moi, ça me fait rire, mais probablement que c'était plus drôle car j'étais avec mon garçon et que ça nous amusait. Tant qu'on le réécoute pour voir si c'était vraiment comique ou si c'est juste moi qui ris pour rien. On s'en va au centre-ville. Là, notre là? Demande de ce matin, drette là, mon ami. Je vais avoir la confirmation des chars en avant de moi. On monte là. Yes, on monte, mon ami. Tenez-vous bien, gars. Attendez un peu, là. Non, vous allez partir en tracteur, puis vous allez traverser. On part de Châteauguay, on monte à Montréal. Là. Vous allez traverser les ponts? Vous allez traverser les ponts. T'as pris meurs, tout le monde. Ils viennent de me dire ça en avant de moi, les chars. Oui, on traverse ça. Drette ça. OK. Quel pont vous allez prendre? Quel pont? J'ai pas l'itinéraire, mon ami. J'ai pas l'itinéraire à mort. Écoute, ça va être un peu plus tard, là. Mais on s'en va à Montréal. Vous allez voir ça. Il y en a tous les couleurs. Donc, on s'en vient drette là. Maintenant, qu'est-ce qui nous attend dans cette suite de Lobster à deux introductions? Outre tout ce que je vous ai déjà parlé, on va parler aussi des idées cadeaux. Noël s'en vient et comme je suis mordu de BD, comme vous le savez, je vais vous convaincre de donner des BD en cadeau de Noël en vous présentant mes préférés. Je vais aussi revenir un peu sur Survivor, juste d'en parler dans le dernier Lobster m'a fait basculer du côté obscur de la force, je suis retombé là-dedans. Et sujet plus scientifique, on va parler de la Grande Muraille Verte en Afrique, un projet que je ne connaissais pas mais qu'on va prendre le temps de découvrir ensemble. Donc c'est le plan pour l'instant, différents sujets pour me permettre de poursuivre avec vous mes petites réflexions sur le monde. Depuis maintenant plus de 50 ans, Abdullah the Butcher terrorise la planète tout entière avec son personnage hors de contrôle qui est capable d'absolument tout. L'amateur de lutte qui n'a pas frémi en voyant Abdullah couvert de sang et brandissant sa fourchette n'existe pas. Ici au Québec, Abdullah the Butcher est devenu un nom qui a fait partie de la culture populaire des Québécois et qui se transmet de génération en génération. Que vous soyez un amateur de lutte ou pas, que vous soyez un homme ou une femme, vous avez assurément déjà entendu parler d'Abdullah the Butcher. Abdullah the Butcher a fait ses débuts à la fin des années 50 sur le territoire de Détroit, qui était alors dirigé en partie par le promoteur montréalais Jack Britton. C'est d'ailleurs avec le fils de ce dernier, Gino Brito, qu'il a livré ses plus sanglantes batailles au Québec. Abdullah the Butcher et son gérant, Eddie Richmond, arrivaient à causer une émeute en un rien de temps, peu importe où ils étaient. Outre le Québec, Abdullah a connu le même succès partout où il passait, passant même au statut de légende dans des endroits comme Porto Rico et le Japon. En avril 2009, plus de 500 personnes se sont rassemblées pour voir son dernier combat à Montréal. 2 ans plus tard, en 2011, la WWE l'a elle-même intronisé dans son propre temple de la renommée. Aujourd'hui, la TOW est fière de rendre hommage à un lutteur qui a su transcender les limites du monde de la lutte professionnelle pour devenir l'un des personnages sportifs les plus connus de notre histoire. Messieurs, dames, c'est avec grand honneur que nous rendons hommage au légendaire Abdullah the Butcher! Cette année, pourquoi ne pas acheter des BD en cadeau de Noël à votre conjoint ou vos enfants? Il me semble que ça pourrait être un cadeau original. Moi, je suis mordu de BD, donc dans ma tête, c'est une excellente idée de donner des BD en cadeau. Mais je comprends si vous ne partagez pas mon point de vue. En fait, les cadeaux de Noël sont pas trop importants à mon avis. L'important, c'est de voir sa famille. C'est juste ça l'important. Moi, ça fait déjà quelques années que je donne pas vraiment de cadeaux. J'en donne, mais c'est souvent des choses que j'ai trouvées dans les marchés aux puces ou chez Renaissance. Bref, voici mes suggestions pour ceux qui voudraient emprunter l'avenue de la BD comme cadeau de Noël. Je vous livre mon choix numéro 1 immédiatement. Ce sont 3 BD qui font partie d'une trilogie, Les Enfants du Capitaine Grant. J'ai déjà parlé dans un autre Lobster que cette trilogie était ma préférée. Et ça n'a pas changé. J'ai adoré la lire car l'histoire, les images et l'ancrage coloré ont rendu cette série parfaite à mes yeux. Cette BD est tirée d'une histoire de Jules Verne, mais la particularité, c'est que les personnages sont des animaux. C'est probablement ça qui lui donne son charme. Le synopsis. Lors d'une excursion en mer, Lord et Lady Glenarvan trouvent dans le corps d'un requin une bouteille renfermant un message de détresse envoyé par le capitaine Grant avant son naufrage. Ils décident donc de partir à la recherche des survivants accompagnés par Mary et Robert, les enfants du capitaine disparu, et par Panagel, un savant farfelu. Commence alors un périple mouvementé aux confins du monde. J'ai vu que chacune des BD sont disponibles pour 17,95 chez Renaud Bré. Juste faire attention d'acheter les BD car j'ai vu qu'il y a aussi des livres. Moi, j'ai pas acheté les BD à l'unité, mais c'était un coffret qui contenait les 3. Voilà, c'est mon choix numéro 1, Les Enfants du Capitaine Graham. Maintenant que je vous ai livré mon choix numéro 1, je peux me laisser aller dans le désordre pour la suite. Immédiatement, les classiques de la BD me viennent en tête, mais vous les connaissez, je mettrai Astérix et Tintin sur un pied d'égalité. Pour ces deux-là, l'avantage est que vous pouvez les trouver à un prix très bas dans l'usager. Et pour moi, pas de honte à donner des BD usagés. Pour 50$, vous pouvez sûrement en ramasser une bonne dizaine dans un comptoir de dons ou une librairie usagée. Donc, ça fait une belle pile de BD à donner en cadeau. Pour Astérix, c'est bien de choisir les premières aventures, ce sont les meilleures. Dès que ce n'est plus écrit et dessiné par Goscinny et Uderzo, c'est un peu moins bon. Pour Tintin, Hergé, lui, n'a pas donné le droit de faire d'autres BD suite à sa mort, donc c'est constant, pas mal bon tout le long. Même si, au début, c'est un peu raciste et que la dernière, Tintin et les Picaros, est pas ma préférée. Mais les histoires qui se déclinent en deux volumes sont mes préférées, Objectif Lune et On a marché sur la Lune, ou Les Sept boules de cristal et Le Temple du Soleil qui vont bien ensemble. Un troisième classique, Les Schtroumpfs. Et oui, même pour un adulte, leurs aventures sont vraiment bonnes. Pendant un temps, c'était les BD favorites de mon plus jeune garçon. On les a toutes lues et relues, et certaines comme Salade de Schtroumpfs ou Schtroumpfs les bains sont devenues nos histoires favorites. Et pour les Schtroumpfs, je trouve que les albums les plus récents sont les meilleurs. Dans la même veine, faudrait pas bouder la série Joanne et Pierre-Louis, qui est dans le même univers que les Schtroumpfs. Particularité de ces trois classiques, Tintin, Astérix et les Schtroumpfs peuvent être consommés indépendamment du tome que vous achetez, sauf évidemment les histoires qui suivent, donc c'est idéal pour les acheter dans l'usager à bas prix et peu importe du numéro que vous trouvez. Sinon, dans les classiques, je n'ai pas parlé de Lucky Luke car c'est inégal. Certaines des BD comme La Belle Province ont une histoire plutôt so-so, donc j'ai préféré ne pas en parler. Maintenant, si on regarde une de mes séries favorites, c'est celle de Blake et Mortimer. C'est une série vraiment pour adultes, beaucoup de textes à lire, histoire complexe et adulte, mais toujours intéressante. De plus, les histoires sont toujours aux limites du réalisme. On sait que ça se peut pas, mais on y croit quand même. Donc, c'est vraiment plaisant à lire. Seul défaut, c'est plutôt cher et difficile à trouver dans l'usager. Moi, je l'achète dans le neuf. Le mystère de la Grande Pyramide, qui se décline en deux tomes, est dans mes favoris. Mais si vous voulez en acheter qu'une, je dirais Le Testament de William S., une genre d'enquête fantastique autour de William Shakespeare. Je l'ai dévoré beaucoup trop vite, tellement j'étais captivé. To be or not to be, by William Shakespeare. To be or not to be, that is the question. Whether it's nobler in the mind to suffer the slings and arrows of outrageous fortune, or to take arms against a sea of troubles, and by opposing end them, to die, to sleep no more, and by a sleep to save me and the heartache and the thousand natural shocks that flesh is heir to. It's a consummation devoutly to be wished. To die, to sleep, for a chance to dream. Aye, there's the rub for in that sleep of death, what dreams may come when we have shuffled off this mortal coin, must give us pause. There's the respect. Ensuite, une vieille série qui se passe au temps des cow-boys, la série Chick Bill. Dès que je commence à lire une de ces BD, je suis quasiment obligé de me taper le reste de la série. Je n'ai pas les chiffres exacts, mais il y a au moins 70 BD dans cette série. Mais comme chaque BD est une histoire, si tu en trouves dans un marché aux puces, ça s'ajoute bien dans la pile de BD à cadeau. À noter qu'il n'y a que 3 ou 4 des BD de Chick Bill dont l'histoire se continue sur deux tomes. Donc, Chick Bill, il faut juste vérifier à la dernière page si c'est écrit à suivre avant d'acheter. Bon, je me rends compte en regardant la liste de BD que je possède que je pourrais vous donner des choix de cadeaux de Noël pendant des heures. J'ai des dizaines de séries BD préférées. Et donc, comme c'était pas le but d'en nommer des centaines, je voulais juste vous donner quelques yens sur celles que j'aime bien. Donc, je conclue et, un peu comme chez Costco, on y va en vrac. Allons-y pour la quantité, vous pigerez là-dedans si jamais vous avez le goût de donner de la BD en cadeau. Pour une série de BD avec une bonne histoire et qui graphiquement est vraiment bien faite, Lapinot. Pour des histoires toujours drôles à l'époque médiévale et qui nous fait découvrir plein d'inventions farfelues, les BD de Léonard. Pour des enfants qui ne savent pas encore lire, la série Game Over qui n'a aucun texte. On y suit l'aventure d'un personnage de jeu vidéo qui essaie de sauver une princesse dans chaque page, mais n'y parvient jamais. Et se fait toujours tuer de façon drôle ou idiote par des blorgs, une espèce de race de monstres, ou par mégarde, par la princesse qui essaie de sauver dans chaque épisode. Maintenant, une série complètement folle, où il se passe des choses incroyables et impossibles, mais qui surprennent, la série Philémon. Très divertissant, mais pas nécessairement pour des jeunes enfants qui ne comprendraient pas toutes les références absurdes. Fin de mes suggestions.

pour 3,2 millions de dollars en 2014. Il s'agit dans ce cas de la première apparition de Superman. Donc, Superman se vend plus cher que Spider-Man. La semaine passée, je vous parlais que j'étais un gros fan de Survivor, et à la fin de mon enregistrement, j'ai téléchargé la dernière saison de la version américaine, saison 38, et en 3 jours, j'ai écouté la saison complète. Je sais pas si vous êtes fan, mais Survivor est vraiment bon dans son genre et s'est rendu une recette, un format d'émission qui est vendu dans plein de pays. Je me souviens pas du nom, ma mémoire me fait défaut, mais avant Survivor, une série en suédois avait inventé le genre. J'ai essayé de l'écouter, mais c'était en suédois, donc je comprenais rien. J'ai abandonné. Je pense que ça se passait pas sur une île déserte, mais c'était sur les bords d'un fleuve que les participants devaient descendre. Donc une télé-réalité de survie. C'est un peu ça, Survivor. Avec des épreuves et plein de conflits et de trahisons qui font le succès de l'émission. J'ai été vérifié et j'étais en train de dire n'importe quoi. C'était la série Expédition Robinson et malgré que ce que je croyais, cette série n'est pas l'ancêtre de Survivor, mais seulement une autre émission tirée de cette franchise. Moi, je suis assez fan pour suivre la version américaine, anglaise, australienne et française qui, elle, se nomme Koh-Lanta plutôt que Survivor. Koh-Lanta a d'ailleurs fait une pause de 2 à 3 ans car un des participants est décédé lors d'une épreuve suite à une crise cardiaque. Et ce genre d'événement, habituellement moins tragique, est ce qui fait que j'aime Survivor. Dès le premier Survivor, qui était tourné en Australie, la catastrophe est arrivée. Les participants s'étaient fait un genre de camp protégé avec des arbres piquants pour pas se faire attaquer par les animaux sauvages. Et durant une épreuve récompense, une équipe a remporté des choses pour cuisiner, dont de l'huile. Et un des participants, en utilisant l'huile pour cuisiner dans son camp protégé des animaux, a eu un accident. Je sais plus trop comment il a fait son compte, mais il s'est échappé l'huile chaude sur les mains. Et sa peau a comme fondu et se détachait. La scène a duré probablement tout au plus 5 secondes, mais je m'en souviens encore. Le participant, lui, a couru vers l'étang proche du camp et s'est tiré dans l'eau pour tremper ses mains, mais il cessait de supplier le médecin de lui donner de quoi pour arrêter la douleur. C'était pas beau et ça devait être effroyable comme douleur. Et des incidents comme ça, un peu moins tragiques, j'en ai plein d'exemples. Dans la version anglaise, version de la Grande-Bretagne, je crois, les participants sont tombés sur une vraie période de mauvais temps. Mais pas juste un peu, des jours et des jours de pluie. Et à un moment donné, leur peau ratatinait, comme quand t'es dans le bain trop longtemps. Et finalement, la production a été obligée d'intervenir, s'était rendue à un point critique pour leur santé. Ils leur ont donc donné une toile pour mettre sur leur abri et ont fait un feu pour les aider. Bref, l'équipe médicale a dit qu'il fallait faire de quoi. Dans la saison 38 de la version américaine que je viens d'écouter, pendant une des épreuves, on a encore eu un événement médical. L'épreuve était de rester sur la pointe des pieds avec un bloc de bois sur la tête qu'ils devaient pousser sur une structure au-dessus d'eux. Donc, tant qu'il maintenait la pression, le bloc tombait pas et le dernier à garder le bloc sur la tête gagnait l'immunité, ce qui voulait dire qu'il ne serait pas éliminé lors du prochain conseil. Et durant l'épreuve, une des compétitrices a dit à l'animateur « Je vois plus rien ». Il a répondu « Quoi ?» puis elle a répété « Je vois plus rien ». Et 2 secondes après avoir dit ça, elle s'est écroulée par terre, elle était rendue comme une chiffre molle. Donc, tout de suite, on a vu un médecin accourir. Il essayait de la ranimer, mais elle répondait plus à rien. On se doutait qu'elle était juste évanouie, mais quand même, elle avait l'air morte. Finalement, après plusieurs minutes, elle a fini par se réveiller et répondre aux questions du médecin. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont juste aidée et ils l'ont ramenée s'asseoir avec les autres et l'épreuve a continué. C'est là que tu réalises que c'est vraiment pas facile. Dans d'autres saisons, ils avaient pris l'habitude d'amener les participants en bateau, mais ils n'accostaient pas le bateau. Il leur disait de sauter du bateau pour se rendre à l'île. Mais un des participants avait oublié d'apprendre à nager. Il a sauté à l'eau. Et que pensez-vous qui est arrivé? Il a coulé. Pas coulé vraiment, mais il s'est mis à crier. Il savait pas nager. Ici, je me souviens pas exactement ce qu'ils ont fait. Je sais que c'est un autre participant qui est allé l'aider en premier. Mais après, je me souviens pas s'ils l'ont amené en bateau. Mais suite à ça, on n'a pas revu de choses comme ça. Maintenant, ils sautent encore d'un bateau, mais chacune des 2 équipes ou 3 équipes a un bateau qui l'attend en bas. Donc, ils ont juste à se rendre dedans. Et ils n'ont pas 15 minutes de nage à faire avec un sac à dos sur le dos. Je me suis aussi redémarré une autre saison de Survivor, la saison 37. C'est un peu nono, je les écoute à reculons. Puis en plus, des fois, ils ramènent des gagnants, donc j'apprends à l'avance qui a gagné une autre saison. Mais bref, dans la saison 37, dès le début, dès le premier épisode, quand une des équipes revient de la première épreuve, ils sont pris dans des grosses vagues, car ça fait 3 jours qu'un cyclone balayait leur île, et un des participants se brise de quoi dans le dos à cause des trop grosses vagues qui secouent le bateau. Et là, ils sont obligés d'accoster immédiatement. Le participant, lui, il crie, ça lui fait trop mal, il ne peut plus bouger. La douleur est dans son dos, ça semble insupportable. Le gars, il ne peut plus vraiment bouger. Tout de suite, l'équipe médicale intervient et lui shoot de quoi pour arrêter momentanément la douleur. Et ils n'attendent pas, un hélico vient le chercher pour le sortir de là et l'amène direct à l'hôpital pendant que l'animateur arrive en courant sur la plage pour voir qu'est-ce qui se passe. Voilà, c'est pour ça que j'aime bien Survivor, ça semble vrai. Et évidemment, ce qui fait le charme de ces séries, en plus des épreuves qui sont toujours grandioses avec des puzzles et des épreuves difficiles, c'est les alliances. Car évidemment, quand une équipe perd une épreuve, elle doit éliminer quelqu'un de son groupe. Et c'est là que le jeu des alliances débute. Et dans la saison que je viens d'écouter, ça a été incroyable. Un des participants avait toujours son équipe à dos, mais ils n'ont jamais réussi à l'éliminer. À chaque fois, il arrivait à les mélanger assez et arrivait à s'en sortir. Car dans le jeu, tu peux trouver des genres d'idoles qui sont cachées, et quand tu la sors au conseil d'élimination, ça t'immunise. Les votes contre toi sont immédiatement annulés et lui, il en a trouvé plusieurs. Mais ce qui était drôle, c'est qu'à un moment donné, il en avait fait des fausses. Donc, rendu à l'élimination, il y avait 5 participants dans leur équipe, mais à tour de rôle, les 5 ont tous sorti une idole pour dire qu'ils étaient immunisés. Mais les 2 premières filles qui se sont fait dire à tour de rôle par l'animateur, ceci n'est pas une idole, c'est un fake. C'était vraiment comique car l'autre, évidemment, y riait. Voilà, fini de parler de Survivor, je vous conseille tout simplement de l'écouter. Maintenant, on part en musique et au retour, mon dernier sujet, le projet de la Grande Muraille Verte. Dans vos moments intimes, laissez-vous emporter dans le rêve la sensualité de tous les plaisirs de l'érotisme. Pour agrémenter vos soirées intimes, la collection Explicit Vidéo vous présente les meilleurs films érotiques en version intégrale pour couples libérés et adultes avertis. Explicit Vidéo, 4 nouveautés en version française chaque mois. Disponible dans tous les bons clubs vidéo, soyez exigeants, demandez-les. Explicit Vidéo. We'll be right back. le projet de la Grande Muraille Verte, c'est quoi ça? C'est un projet que j'entendais parler moi pour la première fois cette semaine, mais qui est selon l'article une des initiatives phares du continent africain pour lutter contre les effets du réchauffement climatique et de la désertification. Le projet de départ, c'est de faire un long corridor vert de 15 km de large qui traverse l'Afrique sur 5800 km. Le mur végétal devrait ou doit traverser 11 pays en reliant Dakar au Sénégal à Djibouti. Donc, c'est un projet pour reverdir 11,7 milliards d'hectares. D'après mes lectures, c'est un projet qui a été lancé officiellement en 2007, mais c'est un projet qui reçoit certaines critiques. Mais avant de parler des critiques, j'ai voulu quand même voir c'était quoi comme projet. Donc, l'idée de ce mur, c'est de protéger champs et villages contre le vent et l'érosion, et le mur doit jouer le rôle de filtre à poussière, car ce mur y traverse ou borde le Sahara. Et de planter des arbres amène plein de bénéfices. Un, le couvert végétal retiendrait l'eau, ce qui ramène l'eau dans les puits des villages. Les feuilles des arbres, elles, ramènent des éléments nutritifs dans un sol qu'on dit presque mort, donc qui pourrait être recultivé. Et finalement, on dit que sous les arbres, l'herbe qui pousse fournit une réserve de fourrage de qualité pour le bétail des populations. Bon, d'après ce que j'ai vu, c'est un projet en développement, mais c'est bien commencé et dans une vidéo que j'ai vue, le Sénégal devrait avoir terminé dans 10 ans de faire sa portion. C'est quand même encourageant, mais d'autres pays moins stables, planter des arbres est moins prioritaire. Mais quand même, dans la vidéo, on voyait tous les effets positifs entourant la mise en place du mur. En premier, ça crée du travail. Il y a divers fonds africains qui fournissent l'argent pour faire avancer ce projet, donc les populations en profitent. On voyait les femmes des villages qui sont en charge des pépinières d'arbres qui en parlaient de façon positive avec tout le travail que ça apporte dans leur village. Et qu'est-ce qu'ils plantent pour reboiser? J'ai lu que c'est des érables à sucre. Au départ, j'ai eu peur qu'ils prennent le contrôle de la production de sirop d'érable avec leur mur, mais comme il neige très rarement dans le Sahara, je pense pas que les conditions vont être réunies pour faire couler leur sirop au printemps. Non, sans blague, c'est évidemment pas des érables qui replantent, c'est des essences d'arbres qui demandent pas beaucoup d'eau. D'après l'article, il tombait 400 mm d'eau en moyenne dans ces régions dans les années 60, et là c'est seulement 200 mm par année selon les données de 2015. Donc c'est des arbres comme l'acacia qui demandent pas beaucoup d'eau qui sont plantés. Il donnait la liste, il y a une dizaine d'arbres africains qui sont utilisés pour cette muraille verte. Il semble y avoir 4 types d'acacia, plus le dattier du désert, le jujubier et 2 ou 3 autres sortes d'arbres pour compléter le portrait. Toujours au Sénégal, je parle du Sénégal parce que c'est le pays qui est le plus avancé dans ce projet. Je lisais que leur grande muraille à eux mesure déjà 535 km de long sur 15 km de large. Leur reboisement se fait durant la saison des pluies et ils plantent dans des zones qu'ils protègent de grillage pour pas que le bétail vienne détruire tous leurs efforts. Et les clôtures ne sont retirées que quand les arbres sont assez grands. Un des effets de cette muraille verte, c'est qu'ils observent après quelques années déjà que la flore et la faune s'améliorent dans les zones reboisées. Ils observent le retour d'animaux sauvages comme les renards, autruches et autres oiseaux divers. Et dans la vidéo que j'ai regardée, on voyait aussi que certains villages avaient implanté des colonies d'abeilles dont ils récoltaient le miel. Donc c'est ça le grand projet africain de muraille verte. Maintenant, du côté des critiques. Car dans l'article, on voit que le projet a assez de détracteurs. Certains disent que la muraille verte oblige à déplacer des gens vivants sur des zones destinées à replanter. Il y en a d'autres qui, eux, craignent que les populations locales soient utilisées comme des travailleurs bon marché pour mener à bien ce projet. Mais bon, d'après ce que j'ai vu dans les vidéos, c'était plutôt l'inverse. Les gens appuyaient le projet et semblaient en bénéficier pour tout ce que j'ai dit plus tôt. Un autre critique que j'ai lu, c'est que le mur vert pourrait interférer avec les circuits migratoires ancestraux. Bon, je ne suis pas spécialiste de ce mur, mais il me semble que les critiques ressemblent au même genre de critiques qu'on verrait pour un projet qui verrait le jour au Canada. Tu as toujours des groupes qui vont tenter de s'y opposer pour obtenir des avantages en retour ou simplement s'y opposer pour faire parler. Un peu comme les débats au Parlement. Le parti d'opposition semble jamais d'accord et trouve toutes sortes de raisons pour s'opposer. Et dès qu'ils reviennent au pouvoir, tiens, tiens! Maintenant, le projet est rendu une bonne idée et c'est l'autre partie qui s'y oppose. Bon, j'embarque pas dans la politique, je les trouve tellement ridicules. Dernière critique sur ce projet, plusieurs doutent que le projet va pouvoir être mené à terme à cause de l'instabilité au Tchad, Niger, Mauritanie et au Soudan. Ce sont des zones orange ou rouge en termes de risque sécuritaire ou de terrorisme. Donc, comme je disais, dans ces pays, planter des arbres, c'est probablement pas une priorité en ce moment. Voilà, je trouvais intéressant de parler de cette initiative de Grande Muraille Verte, et même si je ne suis pas scientifique ou que j'ai des connaissances très limitées du sujet, le principe derrière ce projet me semble bien. Si ça permet d'améliorer les conditions de vie de certains villages, pourquoi pas? Il y a tellement de projets farfelus des fois où on dépense de l'argent que de planter cette fois-ci des arbres me semble enfin une bonne initiative. Voilà, on approche déjà de la fin de ce Lobster. Je vous souhaite une bonne semaine. Si vous voulez me laisser un message, c'est comme d'habitude, c'est sur le site web du Lobster dans Facebook. Et sur ce, je vous souhaite une bonne semaine. Pour la 100e fois, maire, vous n'avez rien à foutre ici. Mais évidemment, c'est une demande officielle. Exactement. Vous me prenez pour qui? Bon, ben, allez-y. Mais si ça devient personnel, je vous fous dehors, hein. Non, non, mais excusez-moi, mais au bout d'un moment... Non, mais si c'est pas vous, c'est moi, alors. Je viens vous annoncer la visite officielle d'une importante personnalité de Tintagel. Une visite diplomatique. Exactement. Il s'agit de Dame Crida qui va... Ah, c'est ma tante! Celle qu'on pouvait pas blairer? Celle de la même! Alors là, je vous préviens, il est hors de question qu'elle foute les pieds ici, hein! C'est diplomatique! Oh, c'est comme ça qu'on accueille sa tati! Pourtant, on m'avait prévenu que c'était moche comme l'autre, mais là, vraiment, je m'attendais pas à ça! Ah ouais, quand même! Non, mais là, attendez. C'est encore un peu timide. Laissez-lui le temps de se mettre à l'aise. Les pierres sont trop claires! Je le lis depuis le début, moi. Non, mais c'est pas compliqué, on dirait un tas de fumier posé sur la colline. En tout cas, je suis ravie de vous rencontrer, Tante Crida. Qui c'est qu'elle appelle Tante Crida, celle-là? Bah, si. En somme, vous êtes sa tante par alliance. Oh, c'est vrai, le mariage. Moi, dis donc, c'est magique, hein, le mariage. En 30 secondes, on passe de fille de fermier à reine de Bretagne. Ah, attention, hein. Là, on va pas être copains. Non, non, non, mais laissez. Vous n'avez aucune chance. C'est pas, mais c'est traité de pécor, si. On avait quand même une activité agricole soutenue, père. La ferme. La ferme, oui, mais... Non, mais la barbe, hein. Quand on aura besoin de vos avis, on vous écrira. Attention, tu as rien contre les bouseux. D'habitude, je mange pas avec, c'est tout. Ils sont tous comme ça, Tintagel? Je vous rappelle qu'il s'agit de la belle-sœur du terre. Elle a l'habitude d'autres prestiges pour les repas. Ça, c'était autre chose. La table du roi. Eh ben, et ça, c'est Joël Clodo, peut-être? Bâtard. Quand j'y pense, je crois que j'aimerais mieux être la tante d'un cochon pesteux. Mais vous dites rien, vous? Non, moi, je la connais, moi. Non, c'est bon, profitez, allez-y, vous. Mais en fait, pourquoi vous êtes venue, madame? Pour faire parler les débiles. Ah, bah vous l'avez pas volée, celle-là. Je comprends pas, là. Non, mais attendez, parce que le plus drôle, c'est qu'elle peut continuer comme ça jusqu'à ce soir sans jamais se fatiguer. Ne commencez pas à vous en prendre à votre tante. Pense à tout ce qu'on a fait pour lui. Une question de point de vue. Ah bah oui, bon, j'estime que de 6 à 20 ans en camp militaire romain, j'ai pas dû vous coûter bien cher en pâte à crêpes. C'est magnifique, la gratitude filiale. Mmh. Et les clans? Vous croyez peut-être que vous auriez rallié tous les chefs de clan si on n'avait pas travaillé comme des forcenés? Ça, je peux vous dire qu'il y en a eu, des tartes aux prunes et des compotes de figues, avant que ces gros imbéciles vous considèrent comme roi. Ils ont rien à considérer. Je suis roi parce que les Romains m'ont collé roi, c'est tout. Et je vous parle pas d'Excalibur. Et pourquoi ils vous ont nommé roi? Parce que c'est eux qui m'ont élevé. Et grâce à qui? Qui vous prend? Vous voyez les signes, là? SPQR, Senatus Populus Quae Romanus, le Sénat le peuple romain. Petit bizutage au fer rouge pour fêter mon arrivée au camp d'entraînement. Je suis peut-être pas très lisible, hein, je sais pas ce que je vois pas d'ici. Enfin, c'est vrai que le pied a grandi depuis, hein, j'avais 6 ans et demi. Vous pouvez pas garder un bâtard à la maison. C'est pour vous protéger qu'on vous a envoyé à Rome. Sinon, c'est peut-être Uther lui-même qui vous aurait tué. Je peux avoir du raisin de table? Ce que vous explique votre tante, c'est que vous êtes un mauvais fils. Et un mauvais neveu. Mais c'est tout, hein, on va pas en faire une maladie. Oui, en gros, vous êtes un zéro, quoi. C'est bien toujours ce qu'on a dit. C'est marrant parce que moi aussi, je suis un mauvais fils. La ferme, hein? Ouais, non, mais c'est classe quand même. Je suis époustouflée par votre calme. Oh, mais je l'ai bossé, hein. Ça vient pas tout seul. En tout cas, Dame Crida, permettez-moi de vous dire que je vous trouve extrêmement sympathique. Et moi aussi, ma petite. Ça, on m'avait fait de vous un portrait parlé, j'ai tout de suite su qu'on s'entendrait. le 21e siècle? Ouais, hey! Et où la vie qu'on m'a promis dans les médias? Ouais, et où? Selon la pub et les médias, en 2017, je suis censée travailler dans un loft avec des grandes fenêtres. Moi, je sais pas ce que je fais dans la vie, mais ça implique un laptop. Moi, je travaille avec deux laptops. Moi, je suis une femme qui pointe un moniteur sur lequel il y a un graphique et j'ai des idées innovatrices parce que je porte un sarrau puis des lunettes en plastique. Selon les médias en 2017, j'arrive au bureau et je prends mes messages de mon assistant qui est un homme. Ma patronne est une femme et je suis très à l'aise avec ça. En plus, j'ai une photo de mon mari sur mon bureau et je suis même pas gay. Les créatifs publicitaires m'ont appris que quand on est au travail, on rit beaucoup de façon esthétique au ralenti. Mon opinion est respectée par mes collègues, même si je suis une femme noire interprétée par une comédienne blanche. On sait pas c'est quoi notre job, mais dans nos réunions, on est habillé de façon décontractée et il y a des mouvements de caméra moderne. Tout le monde fait du breakdance. Moi, je viens travailler en skate. Moi aussi. Moi, je viens travailler avec deux skates et un monocycle parce que je suis créatif. On a des casques de vélo. Selon les créateurs publicitaires, j'ai la possibilité d'être une jeune femme qui porte un casque de construction et qui tient un plan. Mais je suis en fauteuil roulant. Je tiens un bébé sur mon lieu de travail juste parce qu'on est en 2017 et que les médias me disent que je peux. Je montre que ma santé est importante parce que je mange une pomme en souriant. Je m'intéresse à l'environnement parce que je mets une bouteille de plastique au recyclage et je donne un high-five à une collègue noire. Encore une fois, je sais pas ce que je fais d'envie, mais j'économise l'électricité au bureau. Moi, je mange du papier pour chier du compost. Je sais toujours pas ce que je fais dans ma job, mais je travaille dans un environnement intergénérationnel et harmonieux. Moi, je suis un vieil homme interprété par une jeune comédienne blanche et j'en suis fière. Grâce aux médias, il y a une chose de certaine. On porte tous des chapeaux. Et on en est fiers. Breakdance! Ça fait boum boum pam. Chaga la la la ga boum boum. Wow, sans perdre mon amour. Coucou tout le monde, ici Sandy Sanchez, artiste maquilleuse à la pharmacie du Rond-Point et coach de vie. Alors quand on regarde les informations et qu'on voit ce qui se passe dans le monde avec toutes les bombes, les guerres, le terrorisme, je trouve que c'est important de parler des soins de la peau. Moi, quand je pense soins de la peau, je pense nettoyage, je pense hydratation, je pense beauté naturelle et samedi soir toute seule à la maison parce que la beauté naturelle, c'est de la merde. Étape 1. Alors, je suis à nouveau avec la belle Caroline. Là, c'est bon, on te connaît. Alors aujourd'hui, la belle Caroline veut apprendre la base des soins pour la peau. Alors Caroline, la base, ça s'appelle se laver. Si tu sais pas ça. Je débute en utilisant le démaquillant de marque Clear and Clean. En français, clair et clean. C'est le même nom. Alors le démaquillant... Tiens, pousse-toi. Ce que ça fait, c'est que ça crée un effet de démaquillance. Mais faites bien attention, en nettoyant la peau, ça débloque les énergies et ça peut faire remonter des traumatismes de jeunesse. Comme moi, quand j'ai appris que j'avais été adoptée en me faisant un gommage. Moment coach de vie. Pour avoir une belle peau, il faut éviter le stress et rester zen. Rester zen, c'est quand ta meilleure amie s'explose devant toi dans l'escalier, mais toi tu t'en tapes. Tu contournes. Étape 2. Alors, on continue en appliquant une lotion tonique. Alors ça, la lotion tonique, ça fait rien, mais je touche 2€ de commission sur chaque bouteille, donc ça en vaut vraiment la peine. Alors, comme je disais plus tôt à Caroline, une bonne maquilleuse, c'est aussi une confidente qui sait inspirer la confiance de sa cliente. Par exemple, tout à l'heure, Caroline m'a confié qu'elle s'était fait avorter 2 fois depuis Noël. Non, ça, moi, je ne dirai jamais à personne. Moment coach de vie. N'oublie jamais, ta meilleure amie, c'est ta peau. Par contre, c'est un peu la loose d'aller bruncher seule avec ta peau. Étape 3. Alors, j'applique maintenant une crème hydratante. Comme son nom l'indique, ça sert à crémer. Les mecs adorent quand une fille est bien crémée. Souvent, on entend un mec dire à un autre mec « Mate la fille comme elle est bien crémée, Je la fourrais bien. Bah non. Bah si. Chut. L'hydratation, c'est la santé. Avoir une peau en bonne santé, c'est comme dire au monde « Hey, je m'hydrate et j'ai un transit au top !» Maman, coach de vie. Pour avoir une peau saine, allez prendre le bon air en forêt. T'as déjà vu un sanglier avec de l'acné? Moi pas. Pendant que j'applique le masque vitaminé de marque Happy Skin Nectar, joyeux nectar de peau, j'aimerais vous parler de l'importance d'avoir une peau. Tout le monde a une peau. Si vous connaissez quelqu'un qui a pas de peau, c'est parce que c'est un zombie et les zombies, ça n'existe pas. Donc vous pouvez dire à cette personne, t'es pas un zombie. Et là, la personne va vous dire, bah non. Et voilà, ça vous fait un nouvel ami. En passant, si Caroline s'occupait de sa peau comme il faut, elle aurait l'air d'avoir 10 ans de moins, donc elle aurait l'air d'être une fille cramée par la vie, mais en 2007. Dernier moment coach de vie. Dans les anciens temps, l'hydratation n'était pas aussi importante qu'aujourd'hui. Regarde les momies, elles ont toujours la peau sèche. Alors voici la belle Caroline qui a maintenant une peau saine. C'est plus la même femme. Elle peut maintenant espérer commencer une nouvelle vie. Ouais, j'espère pas trop quand même. Ici Sandy Sanchez et j'aimerais terminer en disant « Si je trouve celui qui a piqué mon portable dans le vestiaire de la pharmacie, je le massacre !» Encore un total makeover signé Sandy Sanchez. Quand ça redescend, on croit que c'est la fin. Mais ça frétille un instant. Un tintement à l'oreille du tympan. Et en un instant, c'est reparti pour du bon. La chaleur monte. Et à ce moment, c'est la fin.